émission nous c'est bail parole là. À tout partout. Nous-mêmes nous engageons pour nous imaginer paroles si là. Sans façon pour nous faire message là, arrive et joindre tout le monde. Quelle que soit religion, n'importe côté où y est, c'est celle parole qui baille la vie, qui fait qu'elle content. Pour ça qui m'a chagrin, pour ça qui m'a la peine. Parole c'est l'espoir, c'est lumière qui a clairé petit bon Dieu. J'ai en l'air pour garder celle-là. Ou à imaginer où c'est merveilleux ici-là. Garder sous côté ou un feu à zéro là. Ou à imaginer un des bons dieux noirs. Parole se laisse l'arriver. Chrétien sous quel corps, levé campé. C'est dans le livre pour eux. C'est lui qui a consolé. C'est lui qui a sauvé. Wow. ti grave, tout le monde c'est parole, c'est